France Musique. The next stop is 42nd Street. Come here, Vinny. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. 1953. 9 ans plus tôt, Leonard Bernstein s'était fait passer un savon juste après la première triomphale de sa comédie musicale On the Town. Le chef d'orchestre, Serge Koussevitzky, était venu dans sa loge pour lui dire combien il avait ainsi rabaissé son image et gâché son talent. Bernstein s'était éloigné sans trop le dire à ses amis du théâtre qu'il affectionnait tant. Mais maintenant, Serge Koussevitzky était mort. Et Bernstein accepte immédiatement le pari du metteur en scène de On the Town. Il venait de se séparer du compositeur de sa nouvelle comédie musicale, il lui fallait une partition en un mois. Alors, avec ses amis, Betty Comden et Adolph Green, qui venaient d'écrire Chantons sous la pluie, il compose une partition qui porte les germes du futur West Side Story. C'est Wonderful Town, une œuvre montrée en France pour la première fois cette semaine. La première a eu lieu avant-hier à l'Opéra de Toulon. Deux autres représentations sont prévues dans l'orchestration originale de Bernstein et une mise en scène maligne signée Olivier Benezech. Ce matin, je vous propose à la fois de découvrir cette œuvre et quelques extraits de cette nouvelle production. Wonderful Town débute par une visite guidée de Greenwich Village, un enregistrement de 1999 par le Birmingham Contemporary Music Group dirigé par Simon Rattle. Come along. On your left, Washington Square, right in the heart of Greenwich Village. My, what trees smell that air, painters and pigeons in Washington Square. On your right, Waverly Place, Bidder Paris in Greenwich Village. My, what charm, my, what grace, poets and peasants on Waverly Place. Ever since 1870, Greenwich Village has been the bohemian cradle of painters, writers, actors, etc., who've gone on to fame and fortune. Today in 1935, who knows what future greats live in these twisting alleys? Come along! Here you see Christopher Street, typical spot in Greenwich Village. Ain't it quaint? Ain't it sweet? Pleasant and peaceful on Christopher Street. Christopher Street, right in the heart of Greenwich Village. Life is calm, life is sweet, pleasant and peaceful on Christopher Street. Here's a famous village type, Mr. Apopolis, modern painter, better known on this beat as the lovable landlord of Christopher Street. Here's a guy known as The Wreck, football professional, out of season, unemployed throughout the heat, living on nothing on Christopher Street. Here is yet another type. Everyone knows the famous Violet, nicest gal you'd ever meet, steadily working Christopher Street. Interesting people on Christopher Street. Such interesting people live on Christopher Street. Such interesting people on Christopher Street. Such interesting people live on Christopher Street. The poets, actors, dancers, writers. We're gonna take this town. Get up, Ivy. Un ballet intitulé Conquering the City qui anticipe, hein, vous l'avez entendu, certains ballets qu'on entendra 4 ans plus tard dans West Side Story. C'était le National Symphony Orchestra dirigé par John Owen Edwards et ce moment où les deux héroïnes de cette comédie musicale venues de la campagne, Ruth et Eileen, installées dans un miteux studio à New York, décident de, eh bien, d'aller chercher du travail, l'une dans un journal, l'autre en tant que comédienne. Wonderful Tone, cette comédie musicale, est en fait inspirée d'une autobiographie d'une jeune romancière, Ruth McKenzie, qui était parue au départ en feuilleton dans un hebdomadaire. 3 ans carrément après l'aventure de cette jeune femme à New York avec sa sœur. Elle racontait son enfance difficile dans le Midwest américain, sa première fugue à l'âge de 14 ans, ses études de journalisme à l'université de l'État de l'Ohio, et puis sa décision donc de partir conquérir New York avec sa sœur, résidant pour de vrai durant 6 mois dans un meublé assez bruyant situé à Greenwich Village, au-dessus de la station de métro Christopher Street. Les adaptateurs Betty Comden et Adolph Green vont se focaliser sur leur aventure à New York et le côté farce. Finalement, dans Wonderful Town, les deux sœurs ne rencontrent dans cette ville cosmopolite que des gens très excentriques. Et parfois, eh bien, le moral retombe et les deux jeunes femmes ont le blues de l'Ohio. Un air aux accents inspirés de Brahms. Voici la première rousse sur scène. C'est elle qui a créé le rôle en 1953 dans cette comédie musicale, une star de cinéma, Rosalind Russell, qui avait d'ailleurs aussi incarné ce rôle dans un film non musical, My Sister Eileen, un enregistrement original de 1954 avec sa sœur incarnée par Edith Adams. Oh, Ruth. Now, Eileen, everything's going to be all right. It's awful. Oh, try and sleep, dear. I can't sleep. Now, you've got to try. Make your mind a blank. I did, but I keep thinking of Ohio. Me too. Why, oh why, oh why, oh, why did I ever leave Ohio? Why did I wander to find what lies yonder, when life was so cozy at home? Wondering while I wonder, why did I fly? Why did I roam? Oh, why, oh, did I leave Ohio? Maybe I'd better go. Ohio, maybe I'd better go home. Now listen, Eileen, Ohio was stifling. We just couldn't wait to get out of the place. With Ma saying, Ruth, what, no date for this evening? And Pop with Eileen, do be home, dear, by 10. Those gossipy neighbors and everyone yapping, who's going with who? And dating those drips that I've known since I'm 4. The Kiwanis Club dance. On the basketball floor. Cousin Maud with her lectures on sin. What a bore. Jerry Black. Cousin Min. Ezra Nye. Hannah Finn. Just hopeless. Babbity. Stuffy. Provincial. Thank heaven we're free! Everything's hazy and all out of focus when he touches. touches me. I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know. I'm so, I don't know. I don't know. But I know if it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet someone who bewitches you. Will he be my all, or did I just fall a little bit in love? Everything's hazy and all out of focus when he touches me. I'm in the spell of a strange hocus pocus. It's so, I don't know. I'm so, I don't know. I don't know. But I know if it's love, then it's lovely. It's so nice to be alive when you meet someone who bewitches you. Extrait d'un très bel album, le New York de Leonard Bernstein, dirigé par Eric Stern. C'était Audra McDonald et cet extrait de Wonderful Town, A Little Bit in Love, l'une des belles mélodies romantiques de Leonard Bernstein dans cette comédie musicale, une chanson pour la jeune sœur de Ruth Eileen. Durant ses 10 années de diète de comédie musicale, Leonard Bernstein avait fait une incursion dans le jazz. Le clarinettiste Woody Herman lui avait commissionné une œuvre originale qu'il voulait créer à Carnegie Hall, comme il l'avait demandé d'ailleurs à un autre compositeur classique, Igor Stravinsky, qui avait créé Ebony Concerto pour sa part. Le groupe de Woody Herman se dissoudra avant que Bernstein ait fini de composer son œuvre, qui lui prendra beaucoup de temps d'ailleurs, préludes, fugues et riffs. Mais Bernstein, puisqu'il n'aura que un mois pour composer Wonderful Town, réutilisera quelques fragments pour l'un de ses ballets. Voici un extrait de Prélude, Fugue and Riffs, composé en 1949, enregistré par Benny Goodman et juste après le Vortex Ballet de Wonderful Town. Thank you. Une clarinette dans ce ballet au Village Vortex que compose Leonard Bernstein dans la comédie musicale Wonderful Town. C'était sous la direction de Simon Rattle, le Birmingham Contemporary Music Group. Un ballet donc inspiré, on l'a compris, de ce prélude fugue et riffs qu'avait composé Bernstein quelques années plus tôt. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Il y a donc beaucoup de numéros de danse dans cette comédie musicale. C'est ce qui surprend au premier abord lorsqu'on va la voir, la découvrir à l'Opéra de Toulon. Il y aura une représentation tout à l'heure à 14h30, mardi aussi à 20h. Un instant donc, un ballet dans une boîte de nuit, un ballet très sensuel, une boîte de nuit où se termine l'histoire et où se produit l'une des deux sœurs. Et puis il y a aussi un ballet impressionnant, Conga. Là c'est le moment où Ruth, la sœur la plus sérieuse, journaliste, part interviewer des Brésiliens qui viennent d'accoster à New York. Ils ne sont pas très coopératifs. Et pour essayer de leur arracher quelques confessions, elle leur apprend la conga. Et la voilà qui la porte 2 mètres au-dessus du sol. Et elle, Jasmine Roy en l'occurrence, qui se met à chanter, toujours portée au-dessus du sol, à l'horizontale. Je vous propose d'écouter un premier extrait de cette production à l'Opéra de Toulon, mise en scène par Olivier Benezèche, qui, tout d'abord, puisque je l'ai rencontré juste après la première, vendredi soir, nous parle de la présence de cette œuvre, la présence de la danse dans cette œuvre de Leonard Bernstein. Il y a 8 numéros dansés énormes, qui sont pour moi des préludes à West Side Story. Et je suis sûr qu'il a testé des choses, puisque Robbins a supervisé les chorégraphies, même s'il ne les a pas signées. Et pour moi, là, Bernstein s'est mis à réfléchir au pouvoir de la chorégraphie. Et avec mon chorégraphe Johannes, avec qui on a travaillé, on s'est dit qu'il fallait aller dans le sens à la fois de Robbins pour faire ce prélude à West Side Story. Il y a des ballets, comment il y en aura dans West Side Story ? C'est exactement ça. Il y a des numéros qui sont des numéros à part entière, qui sont chantés par les danseurs, comme dans West Side Story, ce qui n'est pas facile, parce que chanter et danser en France, en général, on fait l'un ou l'autre. Et là, on a vraiment ce qu'on appelle le ballet de comédie musicale, avec une vingtaine de personnes, des gens qui passent dans la rue, qui s'arrêtent, et puis qui se mettent tout d'un coup à danser. C'est un peu l'ancien système, mais ça marche toujours. Mais ce qu'il y a, c'est que les danses marchent aussi parce qu'il y a une orchestration richissime, une orchestration splendide. Bernstein développe dans Wonderful Tone toute sa science de des rythmes un peu cubains, comme il y a par moments quand il s'amuse, mais aussi de la mélodie. Il y a des choses qui sont très belles, très intérieures, très love story. Et puis c'est un grand orchestre. It's like this. One, two, three, kick. One, two, three, kick. One, two, three, kick. One, two, three. That's it. That's the Conga Boys. Now, just a few questions, huh? What do you think of the USA, NRA, TVA? What do you think of our Mother's Day? What do you think of the Conga? Yep. That's the Conga, all right, boys. Very impressive. What do you think of our native squaws, Charles G. Dawes, Warden Laws? What's your opinion of Santa Claus? What do you think of the Conga? Oh, come on, fellas. I'm gonna need a little concentration here, huh? Good neighbors, remember our policy. Good neighbors, I'll help you if you'll just help me. Oh, God. Looks like you drank a little too much coffee this morning. I'm only trying to do my job here. No speaking Portuguese, but I do speak a little français. So calmo, calmo. What's your opinion of Harold Dean, Mitzi Green, Dizzy Dean? Who do you love on a silver screen? What do you think of that? Rhythm bands, monkey glands, hot dog stands. What do you think of stuffed cow keys head? What do you think of that? Guys, I'm gonna be sick. Oh dear. Good neighbors, remember our policy. Good neighbors, I'll help you if you'll just help me. Thank you. Elle a beaucoup de mérite, Jasmine Roy, de pouvoir chanter comme ça, portée à l'horizontale à 2 mètres au-dessus du sol par une série de danseurs. C'était une conga dans Wonderful Town, ce rythme latin qui annonce évidemment le mambo de West Side Story, l'orchestre de l'Opéra de Toulon dirigé par Larry Blank, une chorégraphie de Johan Nuss et un enregistrement qui nous est prêté, merci à eux, par Bel Air Vidéo qui a filmé ce spectacle que vous pourrez voir prochainement sur France 3. Dans Wonderful Town, Leonard Bernstein s'amuse aussi à proposer des pièces dissonantes et par exemple, un dîner pas vraiment mondain, Eileen, la sœur de Ruth, a en effet invité des prétendants mais aussi un rédacteur en chef à qui Ruth a présenté des articles et qui l'a un peu éconduite. Elle a invité tout le monde, elle a invité tout le monde dans son appartement miteux, Eileen. Alors on se réunit dans la mise en scène à Toulon de Olivier Ménazèche autour de la table à repasser, il n'y a pas la place pour une vraie table, et on parle. Conversational Peace, c'est le titre, ici extrait du cast album de 1958 avec Sidney Chaplin et Rosalind Russell. I'm sorry. At the bottom of the vanilla, there was... It's nothing. And chat. Nice people, nice talk, a balmy summer night, a bottle of wine. Nice talk, nice people, nice feeling, nice talk. The combination's right and everything's fine. Nice talk, nice people, it's friendly, it's gay to sit around this way. What more do you need? Just talk and people, for that can suffice when both the talk and people are so nice. A funny thing happened at the counter today. A man comes in, sort of tall-like, a nice-looking refined type, red bow tie and all. Well, sir, he orders a banana split. That's our jumbo special, 28 cents. 3 scoops, chocolate, strawberry, vanilla, choice of cherry caramel sauce, chopped nuts, whipped cream. Well, sir, he finishes off the whole thing. I look down at his plate. I'll be hornswoggled if he doesn't leave the whole banana. He doesn't touch it. Not a bite. Don't you see? If he doesn't like bananas, what does he order a banana split for? He could have had a sundae. 19 cents. 3 scoops. Chocolate, strawberry, vanilla. I was rereading Moby Dick the other night. I haven't picked that up since, well, I don't suppose any of us has. Well, it's worth picking up again. It's about this whale. Boy, it's hot. Reminds me of that time in Panama. I was down there on a story. I was in this dive. There was this dame there. Let's see, what was her name? Marquita? Maruta? Ah, what's the difference what her name was? Anyway, that dame was built like a brick. Nice people, nice talk, a balmy summer night, a bottle of wine. Nice talk, nice people, nice feeling, nice talk, the combination's right, and everything's fine. Nice talk, nice people, it's friendly, it's gay, it's good around this way, but what do we need? Just talk, and people, and then suffice, but both of those people are so nice. It's nice! Autre morceau dissonant signé Bernstein dans Wonderful Town, The Wrong Note Rag. C'est un air à la fin du spectacle avec les deux sœurs réunies sur la scène d'un nightclub et qui chantent tant bien que mal. Un numéro drôle avec des fausses notes exprès. On va entendre la version, actuellement, à l'affiche à Toulon, une plus rare par les auteurs. C'est un air, en tout cas, qu'affectionne particulièrement le directeur musical à l'Opéra de Toulon, Larry Blanc, directeur musical de nombreuses productions à Broadway aussi, que j'ai rencontré le soir de la première et à qui j'ai demandé si on reconnaissait, finalement, dans Wonderful Town, lui, est-ce qu'il reconnaissait la patte de Bernstein ? The thing was, it was really the music of the 30s. That's why the songs like Swing. C'est vraiment la musique des années 30 que retrouve Bernstein, comme dans le grand numéro intitulé Swing et dans Conga. Pour les autres chansons, Bernstein écrivait vraiment de la musique de théâtre, mais en ajoutant une touche classique, au lieu d'être très direct, il faisait plutôt. C'est la deuxième fois que je travaille avec l'orchestre de Toulon. Je les apprécie beaucoup, ils sont très flexibles. Alors, j'ai aussi fait venir trois musiciens supplémentaires pour apporter le style. Un batteur, Michael Berkowitz, qui fut directeur musical de Liza Minnelli, qui vient de New York et qui a travaillé beaucoup à Broadway. Et puis, il y a aussi un trompettiste de Londres, parce que vous savez, il y a beaucoup de swing, de big band dans cette comédie musicale, et il peut apporter ce style, car c'est difficile pour la plupart des trompettistes classiques. J'adore la chanson Wrong Note Rag. C'est si intelligent. Une chanson très déconstruite. On ne sait pas vraiment quel est le rythme, avec des fausses notes qui sont délibérément drôles. And funny notes in it that are deliberately funny. It's the wrong note rag! Hit it, boys! They call it the wrong note rag. It's got a little little twist that simply drives you insane, drives you insane, drives you insane, drives you insane, because you find you never get it out of your brain, out of your brain, out of your brain. They call it the wrong note rag. Bunny hop, no. Turkey trot, no. Give me the wrong note rag. Please play that lovely wrong note, because that wrong note just makes me do do do do do do do wow wow. That note is such a strong note. It makes me rig wiggy dig rig wiggy dig wacky wig wiggy wig wig wiggy wig wacky. Don't play that right or light note, because that right note just makes me blah blah blah blah blah blah blah blah. No, no, give me that new and blue note. And sister, watch my dust, watch my smoke, doing the wrong note rag. Oh, there's a new sensation that's going around, going around, going around, going around. A simple little ditty that's sweeping the town, sweeping the town, sweeping the town. They call it the wrong note rag. Got a little twist that simply drives you insane, because you find you never get it out of your brain. Une archive, la chanson interprétée par les auteurs Betty Comden et Adolf Green, c'était The Wrong Note Rag, et puis juste auparavant, le même air, comme si vous étiez tout à l'heure à 14h30 à l'Opéra de Toulon, par Jasmine Roy, Raphaël Cohen, l'Orchestre de Toulon dirigé par Larry Blank. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Larry Blank nous en parlait à l'instant, le grand numéro typique des années 30 dans Wonderful Town, c'est un swing qui s'intitule Swing. Alors le moment, c'est Ruth, l'héroïne, qui n'arrive pas à trouver un travail correct de journaliste et en est réduite à devenir femme sandwich pour un nightclub. Alors harnachée d'un panneau publicitaire, elle distribue des flyers dans la rue et elle incite à swinguer. Et au fur et à mesure, tous les acteurs et la rue entière va se mettre à swinguer avec elle. La version complète dans un enregistrement avec Rebecca Luker et l'orchestre National Symphony Orchestra dirigé par John Owen Edwards. Step up, step up. Get hep, get hep. Come on down to the village vortex, home of the new jazz rage. Swing, rock and roll to the beat, beat, beat of Speedy Valenti and his crazy cats. Swing, dig the rhythm. Swing, dig the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Whoa, goes around and around. Cats, make it solid. Cats, make it groovy. You gotta get your seafood mama. Your favorite dish is fish. It's your favorite dish. Don't be square. Rock right out of that rocking chair. Truck on down and let down your hair. Breathe that barrel house air. The village vortex. Swing, dig the rhythm. Swing, dig the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Get full of furiakasaki. Get full of the sound of swing. The solid, jivey, groovy sound of swing. Swing, dig the rhythm. Swing, dig the message. The jive is jumping and the music goes round and around. Whoa! Baby, I know that old man Moe's kicked the bucket, the old looking bucket that hung in the well. Well, well, well, baby, I know. No, no, was it red? No, no, no, was it green? Green, green is the color of my true love's hair. Hair breath, hairy with the Floyd, Floyd, doy, Floyd, doy, Floyd, doy, Floyd, doy. Hoy! Boy dreamt, boy dwelt in marble halls. Well, that ends well, well, well, baby, I know. No, no, was Was it green? No, no, no. Was it red cells in the sunset calling me, me, me? You good for nothing, me, me, me, me, me. Tarzan, you, Jane, swinging in the trees, swinging in the trees, swinging in the trees, swinging, swinging, swinging, swinging, swinging, swinging, swing. Floyd Oi, Floyd Oi, Floyd Oi, Floyd Oi. Hi. Gesundheit. Thanks. You're welcome. Favorite dish. Fish. Gesundheit. Thanks. It's nothing. Goodbye, you've taught me my lesson. Get mixed up with a genius from Ohio. It happens over and over. I picked the sharp intellectual kind. Why couldn't this time be different? Why couldn't she only be another kind? A different kind of girl. I love a quiet girl, I love a gentle girl, warm as sunlight, soft, soft as snow. Her smile, a tender smile, her voice, a velvet voice, sweet as music, soft, soft as snow. Quiet girl, where is my gentle girl? Where is the special girl who is soft, soft as snow? Tout à l'heure, Karen Mason dans le rôle de Ruth Sherwood dans Swing, et à l'instant, le fils de Chaplin, Sidney Chaplin, dans Quiet Girl. C'était en 1958, une version télé dont on vous a mis un petit extrait sur la page de 42e rue sur francemusique.fr. Il incarnait le rédacteur en chef désagréable au premier abord avec Ruth, et puis qui finalement se sent un petit peu tombé sous le charme de la jeune femme dans cette chanson A Quiet Girl. Tout est bien qui finit bien, comme dans toute comédie musicale des années 50 et 40, surtout dans Wonderful Town. 8 Tony Awards pour ce spectacle, dont celui de la meilleure partition. Leonard Bernstein va revenir au théâtre. Quelques mois plus tard, il entamera Peter Pan, Candide et West Side Story. Happy End aussi à la fin. Eileen, la sœur de Ruth, convainc ce rédacteur en chef qu'il est en fait tombé amoureux de sa sœur au cours d'un numéro très joli intitulé It's Love. Je vous propose un dernier extrait de la production de Toulon avec Raphaël Cohen et Maxime de Toledo. You're in love with Ruth and you don't even know it. It's love. It's love. Come on, now let's drop it. It's love, it's love, and nothing can stop it. You're a silly girl, it's a sign of youth. You're a silly boy, you're in love with Ruth. It's love, it's love. Come on now, just try it. It's love, it's love. Don't try to deny it. I know the signs. I know it when I see it. So just face it, just say it. It's love. You can do better than that. It's love. Try again. It's love! See you later! No, Eileen! Maybe it's love, it's love. Well, who would have thought this is love? Then why have I fought it? What a way to feel I could touch the sky. What a way to feel I'm a different guy. It's love at last, I've someone to cheer for. It's love at last, I've learned what we're here for. I've heard it said, you'll know it when you see it. When I see it, I know it. It's love. Da da da da da da. I'm a different guy. It's love at last. I've someone to cheer for. It's love at last. I've learned what to live for. I've heard it said. You'll know it when you see it. When I see it, I know it. It's love. Wonderful Tone et sa fantastique palette de couleurs à l'affiche à l'Opéra Toulon. C'était la première vendredi soir sous la baguette du chef d'orchestre Larry Blanc avec l'orchestre et le chœur de l'Opéra de Toulon. Un orchestre punchy, une très belle troupe, des chorégraphies bluffantes signées Johan Nuss qui mêlent à la fois les comédiens, les danseurs et les membres du chœur. À découvrir si vous le pouvez tout à l'heure à 14h30 et encore mardi soir. Et bientôt disponible en DVD. Ça sera d'ailleurs la première captation de cette comédie musicale qui n'avait jamais été adaptée au cinéma. Plus d'infos comme toujours, 42e rue sur francemusique.fr et sur francemusique.fr session studio. Vous pourrez voir également les artistes qui étaient venus dans Cabaret 42e rue. C'était au mois de décembre. Le prochain Cabaret 42e rue, d'ailleurs, il aura lieu le 25 février avec la troupe de Grise. Réservation ouverte très bientôt sur maisondelaradio.fr. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, commenter, tweeter, commenter avec le hashtag 42 rue. 42e rue, Laurent Vallière, Martine Moni, Mathieu Tourin, Éric Plesco, Perrine Mingui. On vous souhaite un très bon dimanche. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr.